dimanche après-midi. Prio, c'est l'état pour plaisir. Maîtresse Kaila Patela, Trio wa Peshita. Musique de Yan Badri, Trio wa Tafé Mélodie. Quand t'es content, nous à ta poésie. Trio célèbre. Entre des amis, quand t'es content, nous on t'a pour plaisir. Trio céleste, entre des amis. T'as pas déparé, ni va pas t'avanter. Y'ont fait tol qui détaché. Si pas de bon Dieu, je m'ta pété. Tout le monde qui tape dansé, courir vite, ouais, si m'pa blessé. À la tête d'air, rendre service, ta tourner chagrin. À la tête d'air, c'est vista ton chagrin. À la dame là, mes amis, moi t'as trouvé ma vague. Mes amis, au service, moi t'as bran. Mes amis, mais t'as tourné chagrin. Mes amis, oh, à la dame là. Melta, tu ne chaves.